Audiomatique. Projet Campos ouvrait la transmission 238 d'Audiomatique grâce à sa pièce Luz Blanca El Cantante, tirée de son premier et unique album Miracles and Criminals. Les sonoristes qui vous accueillent à cette transmission 238 d'Audiomatique, avec toujours le même désir de faire vibrer au moins un de vos tympans et de provoquer ainsi une secousse qui aura, nous l'espérons, une résonance plus profonde que ce qui traverse habituellement votre simple circuit nerveux. Thank you. Thank you. Thank you. À Audiomatic, le duo new-yorkais Zor nous présentait sa composition An Early Disobedience, parue sur leur premier album Cassandra, lancé en 1997. C'était précédé de Instrumental, un orchestre de chambre formé de 6 musiciens, soit 2 violonistes, un violoniste flûtiste, un altiste, un violoncelliste et un double bassiste. Ils nous ont offert leur reprise de la pièce Sparrow Fall, originalement composée par Brian Eno. Leur version apparaît sur leur album Acoustec, qui regroupe des pièces de compositeurs de musique électronique, comme entre autres The Orb, Orbital et Moby, qu'ils ont remaniées à leur façon. Et pour débuter cette séquence, nous entendions 2 chansons du groupe britannique Fields of the Nephilim, soit dans l'ordre Well of Sumer et And There Will Your Heart Be Also. Ces chansons sont tirées de l'album Elysium, paru en 1990. Toujours à Audiomatic, autre séquence, autre ambiance. Écoutons maintenant la musique de Herbie Hancock. Thank you. Thank you. Cette séquence musicale composée de deux longues pièces se concluait sur une pièce de la formation The Art of Noise, soit Moments in Love, une pièce bien connue qui apparaît sur le premier album Who's Afraid of the Art of Noise qui est paru en 1984. Avant cela, c'était le jazzman Herbie Hancock et la pièce Vain Melter, parue sur son célèbre album Headhunters, sorti en 1973. La conclusion de cette transmission 2-3-8 se fera sur la musique de la formation N1 et sa pièce Tote Tulpen de l'album Aggressor. Les sonoristes auront pour vous la transmission 239 d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou. Pour l'archivage de nos moments présents radiophoniques, nous vous dirigeons vers nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc N1 et la pièce Tote Tulpen. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich liebe dich. Ich weiß.